et la manière de traduction recommandée par lui. J'apporte maintenant la question de la traduction en chinois. Le centre de mes réflexions est comment rendre ses œuvres en chinois sans compromettre sa pensée. Comme beaucoup d'entre vous sont des traducteurs chevronnés et vous avez traduit ces livres, je parle plutôt ici de mes modestes expériences de traducteur. Il y a deux niveaux dans le travail de traduction. Première, traduire comme technique, et deuxième, comme éthique et politique. Ce qu'on traduit relève du premier registre. Et pourquoi on traduit comme vocation à venir relève du second registre. En ce qui concerne l'aspect technique, avant d'appuyer un texte d'une autre langue, il est naturel de le comprendre à fond. Cela sollicite plusieurs compétences linguistiques, culturelles, intellectuelles, ainsi qu'existentielles, c'est-à-dire du vécu. Dans le cas de traduire François Julien, il est indispensable sur le plan linguistique d'avoir une très bonne connaissance en français, une notion du grec, si c'est possible, du latin et de l'allemand. Sur le plan culturel, l'Europe helléniste est chrétienne. Sur le plan intellectuel, les enjeux de son chantier. Enfin, le vécu du traducteur a un impact certain sur son travail. Il est facile à comprendre que traduire, c'est une transition de la langue de départ vers la langue de cible. Passer d'une langue à l'autre langue, en réalité, je ferme certains possibles de la langue de départ et j'ouvre certains possibles de la langue de cible. Dit-on aussi que traduire, c'est de chercher des correspondances, des ressembles dans la langue d'arrivée. Donc, il s'agit là d'un processus de l'assimilation, mais en même temps, c'est aussi de faire entendre ce qui résiste à cette assimilation. Par exemple, le mot métaphysique a en chinois une transcription consacrée, xingxiangxue. Littéralement, c'est forme au-dessus, étude. Ça veut dire étude sur ce qui est au-dessus de la forme. En référence au Yi Zhuan Xi Zi, je cite les phrases. Xing er shang zhe wei zhi dao, xing er xia zhe wei zhi qi. D'après des commentaires, on peut comprendre ce texte ainsi. Ce qui est au-dessus de la forme réalisation s'appelle dao. Ce qui est au-dessous de la forme réalisation s'appelle « bo », contenant. Le même texte dit encore que « dao » est « yong », le fonctionnement, l'opérativité, et que « qi », c'est le « qi », le corps, la physicalité. Que l'un et l'autre ne se séparent pas dans la pensée chinoise. De ce fait, il est erroné de rendre la métaphysique par « xing shang xue » comme thème consacré. Peu de voix dissidentes s'élèvent pour rectifier l'erreur. Il est légitime de s'interroger sur le décalage ainsi produit dans ce glissement de métaphysique vers Xing Shang Xue. Chez les Européens, l'être leur sert de fond d'entente, alors que les anciens Chinois ne connaissent nullement la notion de l'être. Celui qui a proposé ce thème chinois pour la métaphysique devait se croire ingénieur de lier ce qui est fondamental en Occident à ce qui est essentiel de la pensée chinoise. Il a tort, justement, probablement sans le vouloir, car dès qu'il rejoint le texte d'où il est extrait, le thème chinois, Xing Shang Xue, résiste absolument à ce qu'entend la métaphysique européenne. Toutefois, il est maintenant quasi impossible de s'en passer. puisqu'il n'y a pas un autre thème adéquat pour le remplacer. Rappelons au passage que dans « Entrer dans une pensée », page 17, François Julien a évoqué la traduction en chinois de philosophie, « zhe, xue, sagesse, étude », en s'interrogeant, je cite, « Qui reste-t-il du désir ou de l'éros philosophique ?» Fin de la citation. À travers l'exemple énorme de la traduction que je viens de montrer, je voudrais souligner que les concepts que propose François Julien méritent beaucoup d'attention de la part du traducteur. Celui-ci devrait activer de l'antre, créer de l'antre, du seuil, de rester, je cite, sur la brèche aussi longtemps que possible. Fin de la citation. S'il veut éviter des contresens, des malentendus joliment habillés ou l'utilisation d'une métalangue. Traduire contient deux mouvements simultanés d'assimilation et de désassimilation. Traduire n'est pas trahir. Il ne s'agit pas de trahison. C'est un mouvement opératoire sur un chantier. Il se comprend grâce aux possibles mises en avant par des écarts créés. Les concepts qu'élabore François Julien sont traduisibles en chinois. Les concepts sont traduisibles en chinois quand on exploite des possibles dans la langue chinoise. Encore faut-il que chaque fois que c'est nécessaire, mettre entre parenthèses les thèmes français. Prenons comme exemple le mot de compossible. Voilà, compossible. Alors, ce mot qui désigne que tous les possibles sont à égalité de réalisation, qu'on ne préfère ni l'un ni l'autre, qu'on reste disponible à tous les possibles. Après avoir discuté avec l'auteur, François Julien, je l'ai rendu en chinois par tien ke xing, avec possible. Un néologisme pour les sinophones, même si les sinophones ne le comprennent sans trop de difficultés, il vaut mieux expliquer ce concept dans une note de bas de page. Ou encore un autre exemple, celui de l'écart. Ce concept, commençant son chemin depuis la valeur allusive, se trouve ces dernières années au cœur du chantier de François Julien. Il y a plusieurs mots chinois possibles pour traduire ce thème. Tien tu, littéralement entre, distance. Cha tu, différent, distance. Cha bie, différent, différencié. Xiangcha, mutuel, différent. Tuli, distance, séparé, etc. D'après la définition qu'entend le philosophe et sinologue, le premier possible de traduction, tien-tu, y correspond le mieux. En chinois, on emploie aussi ce mot tien-tu pour dire l'espacement, comme dans l'espacement des arbres ou des mots. Donc, il inclut implicitement l'idée de l'antre. Dans sa leçon inaugurale intitulée « L'écart et l'antre », François Julien promeut le concept de l'écart pour créer un vis-à-vis réflexif entre les possibles. Il y ajoute aussitôt un autre concept, celui de l'antre. Ce concept lui permet d'aborder la question de l'altérité. Selon lui, je cite, « Il faut dégager que de l'antre » pour faire émerger de l'autre. Fin de la citation. Ou encore, je cite, l'antre qu'engendre l'écart est à la fois la condition faisant lever de l'autre et la médiation qui nous relie à lui. Fin de la citation. Toutefois, le style de François Julien est souvent intraduisible en chinois. Son travail sur la langue française rend son style légèrement insolent. Il y a souvent une légère insolence dans ses phrases. Voici un exemple. Dans son texte pour l'exposition d'une collection allemande qui aura lieu, peut-être actuellement il a déjà lieu, il a eu lieu prochainement à Pékin en 2012, et il intitule « Réfléchir l'un dans l'autre ». On lit le début. Je lis « Le début du XXe siècle est le dernier moment où les deux grandes traditions picturales du monde, la chinoise et l'occidentale, se développent encore parallèlement l'un à l'autre, en s'ignorant. Ou, du moins, si certains peintres d'un côté ont déjà entrevu la peinture de l'autre, il n'y a pas encore d'influence notable entre les deux bords du grand continent. La mondialisation artistique n'a pas débuté. » Ma traduction, je vous lis la version finale. « 互相反思 », c'est pour le titre. « 世界两大绘画传统,中国与西方, 在20世纪初还各自发展, 互不相干, 或者说, 即使中西某一方的一些画家已经瞥见另一方的绘画, 中西之间还未有显著的影响, 艺术上的全球化尚未开始呢。 Alors, je vous montre ici l'une des versions précédentes non retenues, qui est plus, plus près de, du texte en français. Alors, tenons compte que l'exposition vise un grand public. La traduction en chinois est explicative. C'était la, la version définitive. Laissant de côté le style de l'auteur, qui se traduire par une légère insolence des expressions comme, je cite, ou du moins, plus loin, certains peintres d'un côté, plus loin de l'autre, ou encore entre les deux bords du grand continent. Je vous explique pourquoi. François Julien souligne que Chine et Occident ne sont pas deux continents, mais deux bords d'un immense continent, puisqu'ils ne sont pas séparés par l'océan, comme la Chine et l'Amérique. Or, en chinois, il existe des termes comme le continent chinois, 中国大陆, et le continent européen, 欧洲大陆. Si la traductrice tente de rendre en chinois les deux bords du grand continent, c'est possible. Mais si elle l'a fait sans expliquer ce que l'auteur veut mettre en avant, et entre parenthèses, François Julien ne voulant pas qu'on y ajoute une explication en chinois en bas de page. Alors, je ferme. Elle risquerait de provoquer une incompréhension plutôt que de faire passer le message. Comme les Européens, les Chinois pensent aussi en langue. En effet, il est difficile à conserver son style dans les traductions en chinois. Mais il y a quand même des cas où ça a bien passé, comme dans la traduction, du texte de François Julien, que François Julien a écrit pour Jean Nouvel en mars 2012. Je vous montre le texte intégral avec ma traduction. La grande image, da xiang, un trait, yi hua, mille, 10 000 images, wan xiang. Bien sûr, l'auteur, Zhu Lian, François Julien. Du plus loin qu'on aperçoive, il émerge, simple, tel un premier trait. Cong zui yuan chu kan, Zhongguo Mei Shu Guan, yong xian, jian pu, zhen ru yi hua. Un unique trait est la source de doute. Il y a 10 000 la racine des 10 000 images. De lui procède la diversité de formes innombrables et toutes s'en reviennent à lui. 石涛写道, 一画者, 众有之本, 万象之根, 亿万万之笔墨，未有不始于此而终于此。C'est pourquoi, quand on le découvre, il est manifeste en grande image. Qui tient en main la grande image, le monde entier va à lui. Lao Zi, il reçoit dans son ample généreuse les visiteurs du monde entier. 这正是为什么当我们看见他的时候，他显为大象。老子说，执大象，天下往，大象。以其宽宏大气接待全天下前来的访客 au centre de la place des arts il relie les quatre orients et maintient l'équilibre entre eux par sa capacité 在这个艺术广场的核心它连接了四方并以其德维持四方之间的中衡 quand il chute on monte à lui des drapeaux rouges flottant au vent le bordede leur droiture et s'y réfléchissent. 当人们从南方登上他的时候风中飘扬的红旗以其正直环绕他反映在他上面 Quand on s'en approche, il est stable et serein comme la montagne, durable comme elle et devant lui serpente le dragon de l'eau se renouvelant sans cesse. 走进他的时候他如山稳重泰然也如山永久长存他的前面有不断更新之水龙弯曲流动着 Quand on le contemple, on voit le souffle énergie le traverser de bas en bas dès la nylon du pinceau le tenant en essor dans le plein de son être, il y a du vide qui l'anime. À travers son opacité, se dessine de la lumière. Sur sa façade, se dessine vaguement un paysage en transformation continue. Entre il y a, il n'y a pas. À la fois s'y reflète du relief au dehors et y transparaissent des êtres animés au dedans. Dedans et dehors n'y sont pas séparés.当我们静观它时就感觉气如何流通于其间使其蓬勃它的实之中有虚这虚使其体活用在它的厚实之中光线穿越它而可见它的表面泛泛地显现变化不停的景观在有无之间这个表面反映了外面的景象同时显出里面走动的人物它里外不分，彼此相通。À considérer de près, il est ainsi. À considérer de plus loin, il est différemment ainsi. À considérer de plus loin, il est encore différemment ainsi. Aussi, c'est ce qu'on appelle la forme de la montagne se modifiant à chaque pas. Aussi, 论道山近看如此远数里看又如此远时数里看又如此没缘没意所谓山行步步一夜 Où de face il est ainsi de côté il est un autre ainsi de dos encore un autre ainsi c'est ce qu'on appelle la forme de la montagne telle qu'on la voit de tous côtés Tel est l'aspect du montagne en même temps que de dizaines ou de centaines de montagnes. C'est pourquoi la montagne est grande, ample, par sa composibilité, et que l'image est dite une grande image. 又说正面如此侧面又如此背面又如此每看每意所谓山形面面看也如此是一山兼 数十百山之形状这就是为什么山因其坚可行而大宽宏大气而象则称为大象 De face, sa porte de jade accueille Noblement, ses autres de côté on soulève un coin et les trois autres se trouvent C'est une allusion à Confucius其正面玉门庄重地接待他的贵宾其侧面 举一隅而可得其他三隅。我的灯已s'étend comme un arbre de la base au sommet. À sa souche, il remonte au trésor du plus ancien passé. Son tronc est celui du développement des millénaires de l'histoire chinoise. Ses branches s'étendent et se multiplient en tous sens pour déployer la modernité de la façon la plus audacieuse et la plus diverse.其内部如树一般地从根底往顶端伸展，其根基溯源至最古老的宝藏，其树干延展了几千年的中国历史之进展，其枝条往各个方向延展而繁荣，以便用最大胆的创意以及最多元的方式开展现代性。Dans le plan de trésor conservé, il reste encore beaucoup de vide, attendant les œuvres à créer.在这个保存的保障之时当中，还有很多的虚，等候将要创造的作品。Au dehors, les quatre saisons l'entourent, au côté de son roc massif, s'esquisse les vagues de verdure et des îlots. 外面四季环绕着它，在这一个厚重的岩石旁边，含蓄地出现碧绿波涛和小岛。À sa base, il est puissamment enraciné dans le carré de la terre. Autour de sa circonférence de verre, à son sommet, s'écrit continuellement, dans l'onde de la pierre à ancre, le cours ininterrompu du ciel. 其根底，它强而有力地扎根于地之方，在它玻璃的周围，在它的顶端。天不息之运行，持续地在实验的波动起伏当中写着。Car, dans son corps en tension continue, rien n'est bloqué, limité, rigide. Comme le grand carré n'a pas d'angle, la grande image n'a pas de forme arrêtée, 老子。Elle accueille généreusement les 10,000 images dans son retrait. 因为在其总是具有张力的体内，无一事物受到阻碍或限制，无一事物是僵硬的。正如大方无语，大象无形，大象慷慨大气地把所有的可能接纳于其隐之处。什么佛种？Je me faisant, en tant que traductrice de l'œuvre de François Julien, je reste sur la brèche, souvent longtemps, avant de faire mon choix final dans les possibles chinois. On pense entre langues, puisqu'on pense en langue. Traduire est l'entre des langues, promouvant la diversité des langues. S'il n'y a pas de multiples langues, on ne pensera pas pour reprendre François Julien.Son œuvre est à la fois traduisible et intraduisible en chinois. Je viens d'illustrer de quelques exemples comment et pourquoi. Mais la traduction permet à ces deux langues, chinoise et française, de se dévisager pour féconder des possibles. Autrement dit, une réflexivité fructueuse, d'où la dimension éthique, non seulement culturelle.Mais aussi d'ordre de la compréhension. Je vous remercie. Bon, maintenant, c'est vous, le public. La parole est à vous. Vous pouvez poser des questions à quatre intervenants. Juste.Un commentaire d'exposé pour rendre plus clair peut-être l'objet de la.